Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Comme chaque semaine, on va se marrer avec nos filles équipes. Alors, à ma droite... Non, mais tu peux pas applaudir, connasse, au lieu de te... Ne commencez pas. Regarde tes cheveux, toi, on dirait un Iroquois. Ne commencez pas. Alors, à ma droite, nous avons Pépé le Moco. Ah, mais je crois qu'il vote Mélenchon, c'est Pépé le Coco. Bab du club. Salut les filles. Ah non, je vote pas Mélenchon, non. Non, je n'ai pas. Pourquoi veux-tu me lancer un livre, cher GG? Donc les blagues les plus mignonnes de la station, ah oui, toujours avec beaucoup de délicatesse. Ouais. Délicatesse, ça rime avec fesses, bien sûr. Oui. C'est GG. Ah oui. Et là, par contre, celui que tu vas présenter après, il rime à rien, lui. Mais si, le spécialiste de la blague foirée en tout genre, vous les attendez chaque semaine, vous les collectionnez, c'est Maurice. Ah, bravo. Ah. Salut à tous. Notre vedette. Face à eux, nous avons un indétrônable de l'émission, oui, dont on attend le grand retour sur scène. À force de le dire, ça va bien finir par arriver. Ouais, ouais, c'est comme Barbara, mais elle est morte, je crois. Oui, c'est Frédéric Koster. Ouais, c'est ça. Allez. Ne me force pas à te répondre. Oui. L'intendance de l'émission, comme chaque semaine, c'est René qui l'assure. Ah, bravo. Et les réalisations, c'est David. Bravo. Et l'animateur, en chef, Philippe Bello. Ah, bah ça va être bien alors. Il est revenu, hein. Cher Frédéric, comme chaque semaine, oui, tu as convié une invitée. Et cette semaine, nous recevons une demoiselle, nous recevons Miss BM. Bravo. Bonjour Miss BM. Bonsoir. Comment ça va? Parle bien près du micro. Tu es venue avec ton papa? J'ai plus trop l'âge, mais... Enfin, moi, je vais vous dire, oui, elle a des yeux, waouh. Oui. Alors, c'est con, on a la radio. Wow. Oui, non, mais même... Alors, Bob, on par le contre, dit quand même. Pourquoi, quand tu dis « elle a des yeux », tu regardes sa poitrine? Parce que ça, c'est, oui, c'est naturel. Non, non, alors, oui. Comme on se connaît un petit peu maintenant, tu me permets de t'appeler Miss? Bah oui. Ah bah oui, on demande avant d'appeler quelqu'un par son prénom. Alors, ne t'inquiète pas, oui, dans l'équipe d'en face, t'en as deux que ça intéresse pas et un qui peut plus. Donc t'inquiète pas. Ah, il l'a voilà. Fait. Il l'a fait. Il l'a bon, fait. Ça c'est fait. Voilà. Alors Miss BM, elle est toute la semaine à la petite loge, me semble-t-il. Non, le jeudi soir à 20h. Voilà. Non mais laisse Maurice faire la promo, Philippe. Tu sais bien que tu sais pas le faire, toi. Maurice, promo. Alors Miss BM. Et tous les jeudis soirs à 20h à la petite loge qui se trouve 2 rue Bruyère. Non, dans... non. 2 rue La Bruyère. Ah, La Bruyère, oui. Oui. C'est dans le 9e arrondissement. Oui. Et c'est métro Trinité, Pigalle. Trinité. Saint-Georges. Saint-Georges. Trinité, tu vas loin quand même. Oui. Hein. Porte d'Italie. Porte d'Italie. Porte d'Italie. Montparnasse. Oui. Non, mais oui, Vieux Port marche. Aussi. Oui, oui. Perrache, Saint-Marc, on peut descendre. Et alors, le titre du spectacle? Alors, si on s'emmerde, on s'embrassera. Ah, c'est tout un programme. Ouais. Alors, t'inquiète pas, Maurice, je suis très occupé. Ah, moi aussi. Tu peux développer? Non. Oh, il développe plus rien à son âge, tu sais. Alors, ce girly show, ça parle de quoi, Miss BM? Alors, c'est un festival de plans foireux. Ah. C'est-à-dire on t'a posé des plans foireux ou non, c'est ah toi, non, non, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, c'est encore mieux. Spécialiste, donc. Elle voilà. N'a besoin de personne. Tu me débrouilles donc, très bien toute seule. C'est la spécialiste des plans foireux. Voilà. Pourtant, t'es pas blonde. Ah si, en fait. Si. Ah si, à l'intérieur, tu sais. Ah voilà. Et alors, tu peux développer un petit peu, nous en raconter un petit peu plus sur l'univers de ce spectacle. Alors, c'est le plus macho des girly shows. Oui. Déjà. Oui. Faut que ça se sache. Ah oui. Tu te moques un peu des filles donc. Bah beaucoup. Ouais. Voilà. Ah, oui. Donc c'est Tristan Iseult, le prince charmant, tout le monde connaît. Ouais. Hein oui. Ah, et bah oui. C'est des conneries. Ah ouais. Ouais, c'est des conneries pour que les petites filles achètent des Barbies, pour que les garçons arrêtent de faire pipi au lit. Ah. Alors une, ça c'est la base. Oui. Une fois qu'on sait ça, c'est bon, on connaît la vie quoi. Ouais. On aura un petit avant-goût tout à l'heure. Ah, on aura un extrait du spectacle, évidemment. Oui. Eh ben, on y compte bien. Alors, tu vas voir que dans cette émission, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a j'ai peu, vu. Oui, oui, ah oui, tiens, tout, d'ailleurs. Oui, voilà. Des curly, enfin, Frédéric en mange une demi-tonne par c'est émission. C'est bien pour la radio, ça vaut les pop-corns au cinéma quand même. Oui, hein. Oui, oui. Mais d'ailleurs, on a des réclamations d'auditeurs. C'est juste pour énerver Davy qui réalise, ça lui plaît pas quand on crunche dans le micro. Donc, tu verras qu'il y a des jeux, qu'il y a des tournées de blagues, des blagues envoyées par des auditeurs à Maurice chaque semaine, des épreuves. Cette émission est une épreuve. Voilà. Je la fais toutes les semaines, c'est pour ça. J'y tiens beaucoup. C'est une. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis. Ah, ça y est, Pierre Belmarais. Vous formez deux équipes et vous allez vous affronter toute la soirée avec des points. Et le but du jeu, bien entendu, pour que les auditeurs suivent, c'est que les équipes soient baptisées. Voilà, nommées. Voilà. Alors, en général, on demande à Bob parce que Bob est toujours très prolifique en termes de baptême. Puis là, il est très fier de lui. Oui, là, j'imagine que ça doit être une énorme connerie. Pas du tout. Oui. Non, c'est très sérieux. Oui. C'est une fille, une fille. D'accord. Parce qu'un gars, une fille, c'est pas drôle. Non, c'est une fille, une peste. Ah, ça serait mieux, ça. Mais on dira pas qui est qui. Une fille, une peste. Non, non. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu imagines Frédéric ici présent, oui, en tutu, par exemple? Oh, parfaitement, moi, je l'ai vu même. J'ai en débardeur. J'ai des photos. Ah oui, oui, on a des preuves. En petit rat de l'opéra. Ah oui, oui. Bah, c'est en... Mais en noir. C'est en raton laveur. Oui. Oui. Bon, non, alors Frédéric... Ah, bah, on va laisser Miss BM baptiser l'équipe d'en face. Donc, une fille, une peste, c'est bien. C'est facile à dire ça. Les quoi ? Les affleux fous. Philippe te remercie. On s'en fout, c'est lui qui le dit. Philippe te remercie. Les affleux fous. Bon alors, les affleux flous face. Non, aux non, non, non, non. Tu vas devenir Maurice, toi. C'est quoi hein. Les affleux fous. Affleux fous. J'ai dit les affleux fous. Non, t'as dit les affleux flous. Non, non, non, j'ai dit les affleux fous. Bon, première question pour un premier point. À votre avis. Alors là, c'est la première équipe qui trouve la réponse. Ah, t'as la réponse, ouais. Tu l'as à votre avis. À votre avis. Oui. D'où vient l'expression poser un lapin? Bah, c'est quand tu donnes un rencard à une fille et puis qu'elle vient pas. Non, mais ça, on a donc. T'as posé un lapin. Non, alors, je t'ai pas demandé. Ça, c'est pas l'explication. Non, non, non, non. Des garçons, ça vient des garçons. Il est con, ce bon. Non, non, non. C'est une expression qui date quand même de 1880, hein, Maurice. Ah, je l'ai entendu. Ah, quand même. Hein. Mais en plus, ils en ont parlé à la radio ou à la télé à propos des lapins de Pâques et tout ça, ils en ont parlé. Ça porte bonheur ? Non. Ça a rapport avec Pâques ? Non. C'était pas pour attirer, je sais pas, des rapaces pour les capturer ? Non. Ils servaient d'appât, quoi. Non. C'est au départ, c'est pas du tout ce qui, comme on l'entend maintenant. Ah, un petit peu quand même. Louper un rendez-vous. Ah, pas louper un rendez-vous, mais... Arriver en retard à un rendez-vous. Non. Envoyer son lapin à sa place parce qu'on n'a pas envie de parler à la personne. Non. Mais tout à l'heure, vous parliez de... je ne sais plus si c'est Miss BN qui parlait de... Miss BM qui parlait de filles. C'est quand même un rapport avec les filles. Hein. Ah, c'est mettre, offrir un manteau de fourrure en lapin pour les pauvres. Non, c'est les filles qui ne viennent pas. Oui, comment c'est les filles compris. Qui ne viennent non. pas poser un lapin. On peut poser un lapin sur un meuble. Oui. Ah oui. Bon alors, poser un lapin en 1880. Imaginez, je vous ai 1880. Dit que c'est un rapport avec des filles. C'est un rapport avec le sexe. Oui. Ah. Avec la fourrure. Avec quelle fourrure? La fourrure du lapin, bien sûr. Non. Non, c'était pas. Tu sais, celle qui avait les cabarets, oui. des oreilles de lapin. Avec mais non, des... ça, non, ça, c'est des danseuses. Ça a un rapport non. avec l'enterrement d'une jeune c'est fille. Putes, non. Tu me parles de qui, là? De putes. Oui, oui, ça, oui. Ah, c'est un rapport avec les putes? Oui. Oui, parce qu'elles courent sur le trottoir. Oui. Elles sautillent sur le trottoir. Elles sur le trottoir. Elle tapine. Ah, c'est draguer une pute. A fait des petits pas sur le trottoir. Non. Vous pouvez pas dire un autre mot que celui-là. Une péripatéticienne. Une prostituée. Ça, voilà. Une fille de joie. Une alors, ça avait un rapport. Oui, ça a un rapport direct avec les putes. Oh mais... Arrêtez. Il payait non. en lapin, bien sûr. Non, non, mais justement, ça a un rapport avec, avec le paiement. Ah. Et c'est le Macron. Il payait pas, qui, donc. Il payait pas donc, on leur disait, il m'a posé un lapin. Exactement. Bonne réponse de Bob. Et on voit quand même l'habitué merci, des maisons closes. Ah, oui. Hein. Et d'ailleurs, Fred, oui. qui, puisque je rappelle quand même à Miss BM, qui ne le sait peut-être pas, mais on est très écoutés en Belgique, nous sommes belges. Et donc, tu as une amie prostituée que tu as eue au téléphone. Ah oui, la pauvre. Alors, oui. La pauvre, parce qu'elle me dit, oh, dis donc, ouais, je suis crevée. Hein. Ah bon ? J'ai gagné 52,20 euros. 20 ? Je lui dis, mais 20, mais qui c'est qui t'a donné 20 centimes? Ah, tous. Bon. Alors, dans quelques instants, là, les choses sérieuses vont démarrer, ah, puisque nous allons avoir notre première tournée de blagues. Mais ça, c'est juste après la pause, donc ça te laisse le temps de te préparer. Hein. D'accord. Okay. D'accord. Allez, reste avec nous, on revient avec Miss BM. Ouais. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Miss BM. Ah, ouais, ouais, ouais. Elle est rigolote. Alors, Miss BM, il y a quand même quelque chose dont je me pose une question, parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu épargnais personne dans ton spectacle, et même pas les filles. Mais alors, surtout pas les filles. Mais surtout pas les filles. Mais alors, comment elles réagissent à la petite loge? Eh ben, bien. Oui. T'as pas de ouh? Non, non, non, au contraire. Alors, en général, mon public, c'est les filles célibataires. Oui. Ou les... Dis pas ça à Bob, il va venir tous les soirs. Et les couples, bizarrement. Les couples. Parce que ça fait beaucoup. Gégé, il va venir tous les soirs. T'as pas les animaux que j'en fasse une avec Maurice? Non. Bon, tant pis. Et donc, alors... J'ai une blague sur les lapins, mais non. Et alors, donc ils réagissent bien. Donc, il n'y a pas de ou de la part des filles ou de tout le monde. Non. Tout le monde en prend pour son grade, mais non, ça va. Oui, oui. Oui, oui. Ça fait combien de temps que tu as... Comme c'est moi qui m'en prends plein la gueule quand même à la base, ça va. Ah oui. Donc oui, en fait c'est, tu t'autocasses, grosso voilà, modo. C'est ça. C'est ça. Si je comprends bien, c'est ça. Et là, donc, ça se peut-être, tu as commencé il y a combien de temps à la petite loge? En juin l'année dernière, et puis j'ai arrêté 2-3 mois au moment de Noël. Mm-hmm. Et j'ai repris là, jeudi dernier. D'accord. Très bien. C'est un retour, donc pour quelques semaines, probablement. Au moins jusqu'à fin juin. Ah, d'accord, au moins jusqu'à fin juin. Et après, tu envisages un peu de promenade en province Bah, si je peux, ouais. Si on veut te contacter, je t'imagine, Facebook Alors oui, j'ai deux Facebook, un MSBM et un On s'emmerde, on s'embrassera. D'accord. Il y a des teasers, il y a tout quoi. Ah, on peut voir des vidéos, c'est on vrai. On peut voir oui, des oui, vidéos. Oui. Il y a des vidéos du spectacle. Voilà, et toutes les infos. D'accord, bah alors là, il faut bien le noter. Et puis on espère bah, effectivement que nos auditeurs qui nous écoutent nombreux en province auront le plaisir de te voir dans leur salle. Je pense à Toulouse notamment qui nous écoute toutes bien les semaines. Sûr, et partout, Nice. Partout. Voilà, vous avez noté. Bon, bah si vous avez noté, c'est parfait. On peut attaquer Maurice, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On peut attaquer Maurice. Ouais. La première tournée. Ah, attendez, on me fait d'abord un signe. On me dit d'abord d'envoyer la tournée de blagues. En précisant qu'on a la chance de temps en temps d'être diffusé sur d'autres radios, et notamment Europe 1 qui a eu. Plaisir de nous diffuser la semaine dernière, non, de diffuser un extrait de l'émission. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a eu un extrait de l'émission diffusé sur Europe avec le rire de Bob. C'était le passage de notre ami Jonathan. Qu'on salue. Et alors, on s'est rendu compte, du coup, on a écouté et on s'est rendu compte que non seulement on diffuse des extraits de notre émission, mais on reprend également... On pique des blagues. Des blagues de Maurice. Parce que Maurice a des blagues inédites, dont une qu'il raconte depuis 3 ans et qui, cette semaine... a été raconté chez Laurent Ruquier. Moi, j'ai fait renseignement, je ne sais plus quel numéro j'ai fait. Pour rigoler, on était avec un copain, on savait plus, ça coûte combien une bourriche d'huîtres. J'ai téléphoné, je tombais sur une dame, donc vraisemblablement en Tunisie, je ne sais pas, parce que où sont tous les serveurs. Quoi. Ouais. Et elle a dit, ne quittez pas, je vais me renseigner. Elle a demandé... 718 118 218 Elle a demandé à un collègue... Eh oui. Piqué par Bigard. C'est mieux par toi. Ah oui, t'as fait là pour Miss BM. Ah, c'est la gloire. Vas-y Maurice, avant la tournée de blagues, c'est un bonus. Ah, c'est un bonus. Voilà. Alors, ma chère Miss BM, quel est le numéro de téléphone des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Non, mais t'as pas dit d'urgence. Le numéro d'urgence. Du bassin d'Arcachon. Non, non, mais. Allez, ça sera coupé. Allez. Ma chère Miss BM. Oui. Quel est le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Alors, faut dire, je ne sais pas. Faut dire, je ne sais pas, là. C'est 118, 218. Non, mais non. Ah, c'est... Mais tu viens de l'entendre. Non, ça va pas, non. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il est con, c'est pas vrai. Non. Ah non, fais-la correctement. Allez, on l'a fait correctement. Oui. Même Bigard y arrive, donc tu devrais y arriver. Ah oui, eh oui. Ouais, alors, vas-y. Ma chère Miss BM. Quel est le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Je sais pas. C'est 118 218. Ah oui, là ça va. Bon, là ça va à peu près. Oui, allez. Non, pas mieux cette fois-ci. Bon, allez, tournez de blague cette fois-ci. Moi, j'aimais mieux quand il disait 118 8. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. elle a tourné de blague. Ah, et alors, bonne nouvelle, un auditeur fidèle nous a envoyé une série de blagues pour Maurice. Alors, quel est cet auditeur fidèle? Il n'a même pas mis son prénom, ce con. N'insulte pas tes auditeurs. Oh non. C'est Jérémy, c'est... son prénom. Alors, très, tu as reçu donc une blague de... De Jérémy, on ne sait pas où il habite. Hein. Quel est le pluriel d'un coca? Ah, on ne sait pas. Des haltères, car un coca des haltères. Bravo. Ah oui, très bonne. Regarde, regarde ce petit air content de lui qu'il a. Est-ce qu'il en a mis une deuxième? On verra ça par la suite. Est-ce que tu as compris au moins? Oui, bien sûr. Explique. Vas-y, j'ai une mignonne. Oh oui, elle est mignonne, celle-là. C'est une jeune poule qui rencontre une vieille poule. J'ai eu peur. Elle lui dit d'un ton méprisant, « Moi, mes œufs, ils sont bien plus gros que les tiens. La preuve, je les vends 3 euros au marché, alors que les tiens ne sont qu'à 2,50 euros. » Et la vieille poule lui répond, « Eh ben moi, je vais pas me casser le cul pour 50 centimes. » Alors, le bourreau, oui, tout en allumant le bûcher, demande à son condamné, avez-vous une dernière volonté? L'autre. Oui, appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Elle est mignonne. Tu sais quels ont été les derniers mots de Jeanne d'Arc? Pourvu qu'il pleuve. Non, vous ne m'avez pas cru. Vous m'aurez cuite. Oui, les historiens divergent, si je puis dire. Alors, c'est une blonde qui rentre dans un bar... qui s'approche du barman et puis délicatement, discrètement, elle se penche vers son oreille et puis elle lui dit « Excusez-moi, monsieur, où sont vos toilettes ?» Alors, le barman lui répond « De l'autre côté. » Elle se déplace et puis elle lui chuchote dans l'autre oreille « Excusez-moi, mais où sont vos toilettes ?» Ah ouais. Ah, on est en forme aujourd'hui. C'est mignon tout ça. Moi, c'est une histoire de blonde aussi. C'est sur l'autoroute. Il y a un radar qui enregistre une Ferrari à 19 km/h. Alors, le policier, il y va tranquillement. Hein, il arrête. Et il dit bonjour madame, vos papiers. Oui, bonjour monsieur le policier. Bon, alors, mais pourquoi vous roulez doucement comme ça? Ben, je respecte la limitation de vitesse qui est marquée sur les panneaux. C'est limité à 90 là. Ben non, il y a marqué à 19. Ah oui, madame, non, excusez-moi, non, A19, c'est le nom de l'autoroute sur laquelle vous roulez. Vous êtes sur l'A19, c'est l'autoroute 19. Ah, d'accord, excusez-moi, j'avais pas... Mais dites-donc, mais pourquoi votre copine, elle est blanche comme un linge à côté? Ah, je comprends mieux, non, c'est parce qu'on sort de l'A373. Miss BM. Alors, une femme rentre très fière à la maison parce qu'elle vient de gagner à l'émission « Qui veut gagner des millions ?» Alors, elle se précipite sur son mari et commence à l'embrasser partout en disant « Chérie, fais-t'en ça, fais l'amour. » « Oh, mais enfin, chérie, il y a un match de foot ce soir. » Oui, mais tu veux pas ? Non, non, c'est ton dernier mot. Oui. Bon, bah alors j'utilise le joker, j'appelle ton ami. La vie de Bob résumée en 2 minutes 30. Oh non, parce que Bob, il s'en fout. Bon, il y a Jérémy qui vient de téléphoner à la radio, Fred. Oui. Non, Maurice, Maurice, s'il te plaît. Oui. Il donc, il n'est pas content du tout que tu aies dit. Il n'a pas mis son onscon là. Hein. Donc, pour te faire pardonner, raconte une deuxième de ces blagues. Alors, mon cher Jérémy. Non. Non. Non. Jérémy. Jérémy. Non, mais c'est pas à lui que tu t'adresses. Adresse-toi quand même à l'invité. C'est vrai que la vieillesse est un naufrage. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est un naufrage. Ma chère Miss BM, comment appelle-t-on un nain dont la mère a accouché dans un congélateur? Un esquimau, un petit corné classé. Petit corné classé. Non, mais bien raconté, elle peut être drôle. Oui. Voilà. Mais pourquoi tu... Parce que moi, je ne l'ai pas compris, moi. Un petit cornet glacé. Un petit cornet glacé. Ah, oh. Bravo, Jérémy. Bien essayé. Ouais. Dans quelques instants, nous allons solliciter Miss BM pour un premier extrait de son spectacle, quand même, un petit extrait. Ah bah oui, toute la soirée, l'émission dure 5 heures. T'as pas dit. Bon, allez, l'extrait, c'est juste après cette courte pause. On revient avec Miss BM. Ouais. Ouais. Retournons Basse Marais avec Miss BM. Vive les filles! Alors, bah, je ne sais pas si, si Miss BM à la petite loge à Paris nous dit vive les filles dans son spectacle, je ne sais pas. Mais on va le découvrir parce qu'on a maintenant un petit extrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, hein, ah bah en direct oui. Avec nous, Miss BM, un extrait du spectacle. Oui. Donc bon bah je, à la base je parle de Tristan Iseut. Ah oui. Tristan Iseut, tout le monde connaît. Ah bah oui, évidemment oui. Quand même. Ah bah oui. Mais gueule pas, toi. Sauf cette conne là peut-être. Chut, à côté. Allez. Bon bah le filtre d'amour. Ah oui. On connaît ça. Bien sûr. Et la boisson que tu bois. Et puis alors le mec en face, il est red dingue de toi. Ouais, bon. Ça, ouais. Bon, même si aujourd'hui, le filtre d'amour, eh ben, c'est du punch ou de la bière. Et puis alors, le Tristan en face, il est raide, raide. Et puis alors après, il continue à boire du punch, mais plus avec toi. Non ! Toi ? Bah toi, pendant ce temps, bah, t'es chez toi, samedi soir, tranquille, collé à ton portable, mais pleine d'espoir. 3 mois sans nouvelles. I beg you stop, don't leave me this way. La stratégie de Stratégie, eh ben c'est de couper ton portable. Et comme ça, si Tristan il appelle, t'es pas dispo. C'est samedi soir. Non, et puis s'il appelle pas, eh ben comme ça, tu le sais pas. Non, mais le principe de base, c'est que les chagrins d'amour, ça n'existe pas. Non, c'est des conneries. Pour vendre du Nutella, de l'alcool dégueulasse, 5 fruits et légumes par jour, et des cours de fitness. D'ailleurs, j'ai un petit message personnel à passer. Oui, tu peux ? Oui, oui, bien sûr. À mon ex, Tristan. Toi qui m'écoutes en ce moment, bon, toi qui vas venir me voir jouer jeudi soir 20h à la petite loge, métro Saint-Georges, Pigalle. Oui, bon, bah, c'est un risque que je prends. Hein. Donc, toi, mon ex, alors à qui je n'en veux plus du tout, hein. Tu me trouves belle? À quoi tu penses, là? Et dis, t'as quelqu'un? J'ai beau aujourd'hui, non? T'as pas quelqu'un? En tout cas, moi, j'ai chaud. T'auras jamais quelqu'un. Tu m'aimes? Ah, j'ai chaud, déshabille-toi. Déshabille-toi? Ah, déshabille-toi, c'est moi qui le fais. Tu connais Shining? Eh ben, Nicholson, à côté de moi, c'est de la récolade. Bon, alors, quand on est célibataire, le danger, c'est de faire peur aux hommes. Alors, ce qu'il faut, bah, c'est les rassurer, les écouter, c'est farcir leur conversation psychosomatique jusqu'à 5 heures du matin. Bon, en même temps, niveau mec, à notre âge, c'est un peu la période des soldes, hein. Oh, bah attends, on prend ce qu'on trouve. Alors qu'on sait très bien qu'on va jamais les mettre. Et pan dans ta gueule. Maurice. Alors, si vous voulez voir Miss BM, c'est tous les jeudis soirs à 20h à la Petite Loge. C'est aux 2 rue Labrouillère, dans le 9e arrondissement, métro Saint-Georges. Facebook. Ou Pigalle. Facebook, c'est... C'est Miss BM. Miss BM. Et le titre du spectacle? Alors, le titre du spectacle, c'est « Si on s'emmerde, on s'embrassera ». Bon, là, la promo a été pas mal faite quand même par Maurice. Hein. Je crois ça, que, c'est le début voilà. De l'émission. On verra à la fin. Il est fatigué. Merci. Après. Bon, bah, très bien. Alors là, c'est vrai que ça nous donne un petit aperçu de ce qu'est le spectacle de Miss BM. Je pense que vous avez bien apprécié vous aussi. Et puis, maintenant que Miss BM nous a bien fait rire, nous allons avoir une épreuve dans l'émission. Ah ! Tu vas chanter ? L'épreuve du trivial. Tu vas chanter ? Ah non. L'épreuve du trivial. Chaque semaine, je tire au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes. Ça, c'est pareil, ça fait partie des blagues que je fais toutes les semaines. Deux cartes c'est dans le boîtier du trivial qui a changé, je précise. Ah oui, c'est vrai. Puisque Frédéric nous a fourni un nouveau trivial de 1991. Oui, donc, deux cartes, une carte par équipe, 6 questions par carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. Ne leur montre pas que tu as peur, Miss BM. Quand une équipe... Parce que ces bêtes-là, alors, tu sais, deux solutions. Ces bêtes-là, tu sais, ça flaire le sang. Mmh. Tu sais, ça sent la peur. Exactement. Chez l'adversaire. Deux solutions. La première solution, c'est que l'équipe trouve la réponse, la donne, etc. Pas de problème. Comme d'habitude. il y a aussi la solution du cash, c'est-à-dire que si un membre de l'équipe connaît la réponse sans avoir à se consulter, parce que vous avez le droit de vous consulter entre vous, dans ces cas-là, il faut dire cash et donner la réponse. T'as pas un exemple de cash en magasin ? Donc, pour que tu comprennes comment ça fonctionne le cash, voici un exemple avec Maurice, hein, qui te donne un exemple du cash. Là, j'aimerais quand même, Bob et Gégé, que vous laissiez Maurice répondre cash à cette question. Ouais. De quelle couleur sont les schtroumpfs ? Non. Il faut que tu dises cash. Cash. Oui. Vert. Non. Maurice a eu un bleu. Gégé lui a enlevé son micro. Maurice a eu un bleu. Maurice a eu un bleu sur le bras pendant 15 jours avant de se faire taper par Gégé. Voilà donc un exemple, voilà un exemple le cash. De cash. Hein. Voilà. Enfin, c'est ça, mais là, c'est le mauvais cash. Sauf qu'il faut bien répondre. Voilà. C'est là, c'est lui qui te tapera. Oh, je ne tape personne. Moi. Donc, on commence. Alors, si une équipe ne sait pas répondre, évidemment, l'équipe adverse peut donner la réponse à sa place et prendre le point. Ah oui, le cash, c'est deux points au lieu d'un, quand même. Ça vaut quand même le coup quand on a la réponse. Ça double. On fait toujours choisir Bob parce qu'il est très mauvais joueur. Est-ce pas que du tout. Bob, tu veux la numéro 1 ou la numéro 2 ? Je veux la numéro 2. Celle-ci. Oui. Donc celle-là, je la pose ici. Oui. Donc on commence par l'équipe des affleflous. Non, des affleflous. Oh, c'est chiant ce truc. Bravo. Moi, je dis bravo, Miss BM. Bravo. Oui, c'est pas mal. Très bon nom. Bob, est-ce que tu es prêt ? Non. C'est parti. Sous quel titre est plus connu le prix Nobel de la paix, Tenzin Gyatso. Gyatso, ça s'écrit G-Y-A-T-S-O. Il est bien sûr très connu. Bien, forcément. Et pas apprécié partout. Prix Nobel de quoi ? Le prix Nobel de la paix, un prix Nobel de la paix très connu. Encore un emmerdeur. Qui n'est pas le bienvenu partout. Ouais. Comment tu dis ? Tenzin. Alors je vais te le faire avec l'accent. Tenzin Gyatso. Bah, c'est un chinois, hein. Un chinois, un tibétain ou un truc comme ça, mais j'en connais pas. C'est le... Attendez. Ah bah non, ils se sont consultés. Non, il y a Maurice qui se consulte. C'est pas un coréen ? Non, c'est le Dalai Lama, non ? Ah oui, tu as raison. Le Dalai Lama. Correct. Bah oui, quand même. Mais Maurice était prêt à faire un cash. Oui, il était prêt à dire une connerie, surtout. Ah bah j'étais... Tibet, j'étais pas loin. Oui. De combien de tomes de bandes dessinées se compose la rubrique à braque inventée par Gottlieb ? Putain, t'as vu les questions à la con ? 3. Si de moi, j'en sais rien. 3. Non. Alors, pour vous, les une fille, une peste. Mais non, juste, je comprends pas bien là, c'est pas très juste. Ils sont 3 et nous on est 2. Tu peux nous piquer un point. Ils sont 2,2. Préfiguration. Ils sont 2,2, t'inquiète. On a un point de plus si on trouve, nous quand même, non ? Bah, voilà. De toute façon, vous gagnerez. L'émission est truquée. On peut faire un appel à un ami, non ? Non. Tu peux appeler Maurice, mais ça sert à rien. 8. Enfin bref, ils ont pas trouvé. 8. Non. C'était 4. C'était 5. On est content de le savoir. Alors, Bob, toi qui es très fort en histoire et en géographie, oui, tu penses. Quel pays a condamné et exécuté Adolf Eichmann ? Israël. Ah oui. T'as pas dit cash ? Cash, Israël. Oui, c'est correct. Quelle chanson dédiée à SOS Racisme a été interprétée par Alain Bashung et Gilberto Gil ? Aïli Aïlo. Vous savez ça, les filles, vous ? Non, j'aimais bien Bashung, mais... Moi, je connais pas ça. Alors, un titre de chanson ? Par Bashung ? Oui. Ah bah oui, très, très connu. J'entends rien dans mon casque, moi. Correct. Non, Gabi ? Non. Non, c'est pas une chanson d'un des chanteurs. C'est le titre de la chanson qui correspond à SOS Racisme. Vertige de l'amour ? Touche pas à mon pote. Ah oh, bah merci. Quel chef de service de l'identité judiciaire de la préfecture de police a inventé l'anthropométrie et l'utilisation des empreintes digitales ? Je sais, mais ça me Maurice, pas. Toi non, qui manges des glaces à perte de vue. Je pense que je connais le nom. T'as qu'à leur donner la réponse. Stromboli. Comment ? Stromboli. Mais qu'il est con. Stromboli. Scanari. Stromboli. C'est quoi ça, Stromboli? C'est un volcan. C'est un volcan. Quel rapport avec les glaces? C'est une glace, le Stromboli? Je sais pas. Oui, peut-être. Mais il est cool. C'est une coupe. C'est pas bon. Ah oui, c'est une coupe dans un, un restaurant italien du coin. Non, à la petite bon. Pizza du coin chez Gino. Non, c'est Bertillon, monsieur Bertillon. Eh ben oui. Ah, il n'était pas médecin? Non. Bah, je pensais à lui. Moi. Ah oui, bah, c'est ça. Des fenêtres. Tu nous as marqué le point, oui, dis donc. Et cache, il a dit cache. Ah non, non, cache, ça marche pas. Ça marche pas. Là, Bob va savoir. Ah oui. Des fenêtres. Des fenêtres de quel ministère peut-on admirer le palais royal? Ah. Le ministère de la culture, cache. C'est correct. Je suis sourd d'une oreille. C'était tout. Merci GG. Tu peux te réveiller, Bob, c'est bon. Quand même, GG, 6 points. Oui, voilà. Et vous, pour l'instant, 1 point, mais vous n'avez pas encore dégainé votre carte. Donc, ouais. C'est ce qui va se passer juste après la pause. C'est donc, à vous de souffrir, mais on a souffert. Là. Voilà, donc, Miss BM, là, il va falloir. Je suis furieux. Mais tu vas la fermer, oui, qu'il puisse faire son lancement. J'ai le droit de parler à mes. Bon, allez, tu peux attendre la pause pour parler. Et juste après, Miss BM et Fred pour leur carte. Ouais, ouais. Retour, on va se marrer avec Miss BM. Oui, oui, oui, oui. Alors évidemment, pendant la pause, vous n'avez pas entendu, mais Miss BM a tout à coup dit, enfin un petit peu ce qu'elle racontait dans son spectacle, les sketchs, etc. Et elle a eu la bonne idée de dire à Gégé qu'elle parlait de l'Indonésie dans son spectacle. Alors là, de Bali, c'est ça. Mais ah pourquoi, oui. Pourquoi tu parles de Bali dans ton spectacle? Bah parce que quand je l'ai écrit, je rêvais d'y aller. Oui. Donc j'étais très jalouse des gens qui y allaient. Et surtout que Bali, c'est un petit peu l'endroit des amoureux. Ah, oui. Alors j'y suis allée deux fois, je peux vous dire que oui, il n'y a que des amoureux. Ah bon dit-elle avec un air. Bon, alors là, les choses sérieuses continuent, oui, puisque vous avez votre carte, Miss BM, à assurer avec Frédéric. C'est la même règle que tout à l'heure. Il ne faut pas dire vert. Voilà. Oui, exactement. D'accord. Tu fais comme tu veux. Vous êtes prêt ou pas, Fred? Non. Comment? Non, on n'est pas prêt. Pas du tout. C'est tu pas grave, on en va. Quel artiste célèbre pour ses emballages a empaqueté le Pont Neuf? Cash Christo. Oui. Sous quel nom est plus connu Cho Cho San, l'héroïne d'un opéra de Puccini? Tu sais ou pas? Non. Ah, non. Puccini, c'est Madame Butterfly, non? C'est pas ça? Tu veux dire Madame Butterfly? C'est Madame Butterfly. Ah, mais t'aurais dû le dire cash. Hein. Ouais. De toute façon, pourquoi pas sur moi? Tu dis cash, je crois que je suis tout seul sur ce coup-là. Bon, à quel groupe ethnique appartenaient les assassins d'Indira Gandhi? Cash, les Sikhs. Cash. Ah oui? Eh oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. C'est dans Star Wars, la menace fantôme? Non, c'est la menace des Sith. C'est pas pareil. Dans quelle salle parisienne les Beatles sont-ils triomphés en 1964? C'est dégueulasse. Cash, l'Olympia. C'est dur. Avec Sylvie Vartan en première partie. Ah non. Non, deuxième partie. Ah non. Il faisait non l'ouverture. Ah oui, non, il faisait l'ouverture de Sylvie Vartan, exactement. Oui, parce que Gégé est un ami intime de Sylvie Vartan. Non, du coiffeur de Sylvie Vartan. Mais pas non, des cheveux. Son attaché de presse. Du coiffeur, mais pas des cheveux. Quelles sont les deux marques européennes qui, associées à Volkswagen, constituent le groupe automobile VAG? Attends, c'est pas possible. Autre que Volkswagen? Oui, il y en a deux autres. Ils sont associés, ils sont trois. Il y a Volkswagen. Volkswagen, Audi. Lada. Et maintenant, il y a Skoda, mais pas à l'époque, je crois. Mais pas à l'époque. Pas en 91, à la date d'impression de ce questionnaire. Tu nous as ramené. Qu'est-ce que c'était le troisième? VAG, c'est Volkswagen et Audi. Qu'est-ce que ça pouvait être le troisième? Alors bon, je t'es pas forte en voiture, Miss BM? Elle est forte en rien, j'ai l'impression. Entre ah non, c'est peut-être Porsche. Alors tu me dis Volkswagen, Audi, Porsche. Non. C'est quoi la question initiale? Quelles sont les deux autres marques européennes qui sont associées à Volkswagen pour constituer le groupe VAG? Donc il y a Volkswagen, General Motors. Audi, General Motors. Et voilà, et c'était Seat. Donc Audi et Seat. Non, mais Seat, c'est une sous-marque maintenant. Non, à l'époque, non, c'était une marque. Comment appelle-t-on maintenant? Ils ont acheté. Oh, ça suffit. Bentley. Mais non, mais Seat, t'as pas acheté Bentley. Non, non. Ça se saurait. Hein. Je C'est pas de Volkswagen. Comment appelle-t-on les photographes italiens en, en quête de la Photoshop? Oh, on va dire cash. Moi, je pourrais le dire aussi. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Le paradis. Oui, c'est tu sais, correct. Elle a dit faux, elle a dit... C'est pas paradis. Non, elle a dit. Non, elle a... J'ai particulier, c'est tout. C'est que t'es sourd, c'est tout. 6 points pour GG et sa troupe. Et 10... Non, le nom de l'équipe, s'il te plaît. Les Afflefous. Et 10 points pour l'équipe. Pour les vieilles putes. Fille bravo. Mais toi, connasse, au lieu de faire où, tu peux pas répondre dans un temps. Eh bien, justement, puisque Maurice est là, nous avons une petite épreuve pour lui à te proposer, qui est l'épreuve de la roulette russe. On va te proposer des mots qui correspondent à des blagues fétiches de Maurice, puisque cette émission existe depuis de nombreuses années, et donc Maurice a des blagues fétiches, qu'il arrive rarement à raconter. Il y arrive. Donc on lance la roulette russe, on donne des mots, tu dis stop quand tu veux et automatiquement sans ces notes, Maurice raconte la fameuse blague. En s'adressant à toi évidemment, hein, n'est-ce pas Maurice ? Bien sûr. Alors attention, hypocrite. Top roulette russe. Route secours, skieur juif, Star Wars, Mario Boss, perchiste, clocher. Stop. Ah, celle-là, il l'a. C'est la toute première. Alors là, celle-là, normalement, il l'a celle-là, pas. Celle-là, tu l'as première. Allez, Maurice. Ma chère BM. Non. Miss BM. Ma BM. Chère Miss BM. Ah. Quelle différence y a-t-il entre un... Non, mais ne me regarde pas, Maurice. Regarde-la. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu le regardes. Oui. Tu vas m'emmerder à chaque fois. Non, mais oui. Ma chère Miss BM. Quelle différence y a-t-il entre un i et un clocher ? Ah ! Je sais pas. Là, il faut dire je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Ah. Alors, le i, c'est la voyelle. Non, c'est pas ça. Ah bon ? Ah, non, fais-la correctement. C'est oui, pas la voyelle. Je recommence. Ah oui, c'est la voyelle. Il n'arrive même plus à souffler dans son sifflet, celui-là. Ma chère Miss BM. Regarde-la quand tu ma parles. Chère Miss BM. Oui. Quelle est la différence entre un E et un clocher? Entre un quoi? Un E. Il change. Le E, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est la consonne. Oh, bravo. Non, mais t'as pas de micro. Mais pourquoi tu le fais pas avec le I? Parce que j'avais pas envie. Et au passage, tu dis je me suis trompé. Non, c'était bien parti. Oui, c'était bien frappé. Oui, mais vous êtes tellement... Con. Non, parce que c'est vrai que Maurice, généralement, il la fait toujours bien, cette blague du clocher. Alors, nous avons Claire tout court avec nous de la petite loge. Et on s'est dit que ça serait bien pour qu'elle puisse savoir si elle va pouvoir l'embaucher à la rentrée pour un spectacle. Ouais, que Maurice lui raconte la fabuleuse blague du clocher. Ah, en direct ? Ah oui, ah bah oui. Je me suis déplacé exprès pour ça, donc vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un clocher ? Ah. Je ne sais pas. Non. Ah non, mais on t'écoute, Maurice. Je ne sais pas, j'espère que tu ne sais pas. Ah, moi, je ne la connais pas. Non, on la découvre. Non, c'est quoi ? Vas-y, le suspense est insoutenable. Vas-y, vas-y. C'est quoi la différence, Maurice ? C'est la console. Le i. Jamais, jamais, il ne va y arriver. Ah, Bob, Maurice va te la refaire. Alors, qui y a-t-il en... excusez-moi, en régie. J'ai tapé dans le micro là. Comment il s'appelle le curé là ? C'est l'abbé Résina là. Quelle est la différence entre non, la... Qui a-t-il ? Qui y a-t-il ? Mais non. Oh non, monsieur, c'est une catastrophe. Bon. Quelle est la différence qu'y a-t-il entre un i et un clocher ? Quelle est la différence qu'y a-t-il ? C'est nouveau, ça vient de sortir. Fais-nous la blague du clocher, comme ça au moins. Ah non, non, c'est bon. Il l'a foiré lundi. Non. On va voir si le jeudi, il arrive à la faire. Alors, de mémoire. Hein, oui, ah oui, sans les de notes. Mémoire. Sans les notes. Quelle est la différence entre un i et un clocher? On ne sait pas. Le i, c'est la c'est la voyelle. Moi, je rends les armes. Je jette l'éponge. On fait quand même pas fait quelques en 40 pour entendre des conneries comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Quand vous pensez à tous les poilus qui ont fait le chemin des dames. Alors Gwen, tu n'es pas au courant, mais il y a une blague historique dans cette émission que Maurice a fait traîner pendant plus de 2 ans. Ah oui. Mmh. C'était la fameuse blague du clocher. Ah non, tu vois pas. Non, alors non, parce qu'on a eu un appel cet après-midi d'amis du Sud-Ouest qui sont fidèles de l'émission et qui m'ont dit, mais c'est une de nos radios partenaires qui diffuse l'émission chaque semaine et qui a dit, mais ça fait longtemps que Maurice n'a pas raconté sa blague du clocher. Alors j'ai dit, ben non, on la connaît par cœur, on en a marre. Oui, mais il peut pas nous faire des variantes. Alors j'ai proposé à Maurice et Maurice me dit, mais si, j'en ai une. J'ai une variante. Ah, alors. Quelle est la différence entre un F? Qu'y a-t-il? Ah oui, qu'y a-t-il entre la différence? Ah oui, à Gwen. Alors, vas-y, à Gwen. J'écoute, j'écoute. Mon cher Gwen. Alors. Mon cher Gwen, qu'y a-t-il entre quelle différence qu'y a-t-il entre un F et un clocher? Un F? Oui. La lettre F? Oui. Et un clocher? Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, le F, c'est la voyelle. Ah, le F, oui. C'est nouveau. Oui. Si le F est une voyelle, c'est nouveau. Hein. Mais non. Et le clocher consonne. Et c'est le clocher consonne. Moi, je vais rentrer chez moi. Il a bien fait. Trop, monsieur Costa. Il a bien fait de faire une variante. Mais qu'est-ce que ça glousse? On dirait Evangélie quelque part. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça glousse? Tu vois quand même qu'on en a. Et encore, tu n'en as eu qu'une. Tu en as eu une infime partie. Parce qu'il y en a. Ah oui, oh là là. Oui, parce que t'es tombé sur le clocher. Sinon, t'as vu, il y a tous les autres. Alors, dans quelques secondes, par contre, on va mettre tout le monde à contribution, car ça sera la nouvelle tournée de blagues. Donc attention, il faut réviser. Et on revient avec Miss BM. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Miss BM. Ouais. Si on s'emmerde, on s'embrassera. Oh bah dis donc. Ah non, c'est le titre du spectacle. Non, c'est le titre du spectacle, de la petite loge à Paris. Et c'est tous les jeudis soirs à 20h, aux 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, métro Pigalle ou Saint-Georges. C'est quelle ligne? La 12 pour Saint-Georges, la 2 pour Pigalle. Voilà. Ah. Merci. La. Pigalle. Donc, alors, c'est toi qui as écrit le spectacle? Oui, co-écrit avec metteur en scène Sébastien Blanc. Très bien. Et donc, il y a un garçon qui a mis son nez là-dedans. Un tout petit peu. Ah, il est beau. Qu'est-ce que tu entends par là, Philippe? Il y a un garçon qui a mis son nez là-dedans. Bah, dans les textes. Bon, la mise en scène, mais les textes. Pas aussi. Ça avec son nez non plus. Bah, il m'a aidé à réécrire parce que sinon ça aurait duré 3h30. Ah oui. C'est toujours le problème. Ouais. Oui, parce que tu es très. Je suis une fille. Voilà, et tu es très prolifique en termes d'écriture. Tu aimes ça en fait. Tu écris beaucoup. Tu as la plume facile. Oui. Enfin, pas facile toujours, mais si. Oui, t'aimes ça en fait. Oui. Ah, t'aimes ça, hein. Tu disais quelque chose, Philippe? Oui, ben oui, je disais quand même une chose importante. Donc, c'est que à la petite loge, l'avantage, c'est que on peut rire facilement, hein, puisqu'on est à proximité de l'artiste. Et tu nous avais dit, c'était le plus petit théâtre, c'est ça, de Paris, ça? C'est le plus petit théâtre de Paris. Ouais. Donc, c'est un théâtre très très sympa, vraiment. Moi, je vous engage. Sympa comme tout. Nous, on est allés. Oui. On est proche de l'artiste. T'as été voir un très bon spectacle là-bas. Un très bon artiste. Et déjà, on était ensemble avec Bob. Et c'est on a vrai. Été épaté qu'il fasse rentrer l'artiste qu'on a été allé voir avec un chausse-pied. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Quand ils ont tiré le rideau, en fin de compte, c'était pas le rideau. Non, c'était son pull. C'était sa veste. Oui, c'était son pull, oui. Et pourquoi on le voit plus, cet artiste? Si, on le voit. On le voit, il est là. C'est Frédéric, bien sûr. Il est devant toi. Un très bon spectacle. Vous savez que ma main dans la gueule, elle vous prend un par un. Mais alors, si je peux remercier justement le directeur du théâtre. Oui. Non, pas du tout. Non. On ne veut pas le recevoir ici, de toute façon. Oh, bah dis donc, bravo, c'est un habitué. Il vient au moins 3 fois par an. Tout ça parce qu'il ne t'engage pas. Il est déjà venu ici plusieurs fois. Qui c'est David Sauvage. Et Perrine Blondel. Oui, mais Perrine Blondel, elle est hors service pour l'instant. Ah bon? Oui, mais enfin, ça arrête. Oh, regarde les mauvaises. Elle a accouché ou pas? C'est ça, parce que c'est une femme. Elle, elle attendait un bébé. Je sais même pas si elle a pas accouché d'ailleurs. Perrine et David, on vous embrasse. Et c'est vrai que David est venu il y a pas très longtemps. D'ailleurs, on a bien rigolé. Il était avec Hugo Le Guen. Exactement. Ah ben, qu'on a entendu. Qui joue aussi toujours à la petite loge. Ouais. Bon, oui. Eh bien, attention, attention. Attends. Voici une nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. Une jeune femme est retrouvée égorgée dans la rue. Oh. L'enquêteur questionne le légiste. Elle a été violée? Pas encore, j'attendais votre autorisation. Très bien. Ah ben c'est du prof. Tiens. Quelle est la différence entre un mari et un jeune chien? Ah. Au bout d'un an, le chien remue toujours la queue quand il vous voit. En 98, en France, un couple de cannibales fait un prisonnier. Et oui, il y a des cannibales dans notre pays. C'est pas possible. Ah. Le mari fait chauffer l'énorme chaudron tandis que sa femme explique au prisonnier. Vous comprendrez, notre four micro-ondes est tombé en panne. Mais elle n'a pas d'accent, parce que normalement, ils ont des accents. Non, non, c'est dans le bah, bah, veux... alors, dis donc attends, mais non, mais c'est pas possible. Si c'est des cannibales. Alors, dis donc. Ah, voilà. Alors, dis donc. Oui, non, mais c'est bien. Notre four à micro-ondes est tombé en panne. On ne sait pas qui va gagner l'élection. Nous allons vous faire cuire à l'ancienne. Notre four à micro-ondes est tombé en panne. Bon, c'est un concours de Michel Leb ou quoi? C'est fini. Vous pouvez applaudir. Ah d'accord, c'est tout. Vous pouvez m'applaudir. Ça passera pas, mon gars. Il a coupé. Il y a la censure qui va couper encore. Alors, désespéré par son rejeton, un patron va voir un de ses potes ministres. Le fils n'a pas terminé ses études. Il passe son temps à picoler, à fumer des pétards. Jean Sarkozy. À faire des conneries, à sortir avec Gégé. Enfin bon, bref. Ah non, c'est pas Jean Sarkozy. Il sollicite pour lui un boulot au ministère. T'inquiète pas, aucun problème. Je le nomme adjoint de mon chef de cabinet avec un traitement de 6 900 € par mois. Il n'y a aucun problème. Ah bah oui, tiens. Ah mais non, attends, il faut qu'ils comprennent qu'il faut bosser quand même. Non, attends, je veux quand même lui inculquer la valeur de l'argent. Non, 6 900, c'est trop quand même. Bon, alors attends, t'inquiète pas, je vais en faire un chargé de mission en chef, tu sais, un mec qui branle rien. 5 500 € par mois, ça le va? Ah oh, non, attends, 5 500, c'est encore trop, attends, il gagne plus que sa mère. Non, il doit se rendre compte qu'il faut mériter son salaire. Non. Bon, alors, un chargé de mission, quoi, placardisé, un truc à 2 900 par mois. Oh, 2 900, non, attends, c'est encore trop ça. Non, ce qu'il lui faudrait, je vais t'expliquer, ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit fonctionnaire, tu vois, un truc en bas de l'échelle, au SMIC. Ah non, là, je suis désolé, là, alors là, là, je suis désolé, je peux rien pour toi, mon pote. Ah bon, mais pourquoi? Pour ce genre de poste, il faut réussir un concours et avoir un diplôme. Et c'est tellement vrai. Alors, c'est monsieur et madame Van de Putte. Oh, on le savait longtemps. Bonjour, madame Van de Putte. Bonjour, Steph, en Belgique. Bah, figurez-vous qu'ils fêtent leurs 10 ans de mariage à Bruxelles. Ah. Bah oui, ils fêtent leurs 10 ans de mariage. Et alors, son mari, monsieur Van de Putte, hein, il veut offrir à madame un beau cadeau quand même. Alors, il lui offre un couple de hamsters. Ah. Un couple de hamsters? Mais qu'est-ce que tu m'offres un couple de hamsters? Mais ça va pas, non, mais t'es complètement débile. Bah quoi? C'est un cadeau, c'est joli, regarde, ils sont mignons tous les deux. Non, là, c'est suisse, là. Ils sont mignons tous les deux. Bah, regarde, ils sont mignons tous les deux, les petits. Mais où est-ce que tu veux que je les mette? Eh ben, je sais pas, on a qu'à les installer dans la chambre. Dans la chambre? Mais ça va pas, non, et l'odeur? Oh, bah, ils feront comme moi, ils s'habitueront. Hein. On salue nos amis belges. Oui. Et ils t'emmerdent. J'y compte bien. Alors, la oui, blague ça, de Miss Bay. Miss Bay. Alors, c'est deux blondes qui discutent. Oui, j'aime bien les filles. On a remarqué. C'est quoi le jour de ton anniversaire? Le 15 juillet. Et dès quelle année? Bah, chaque année. Une vraie blague de blonde. Tiens, Maurice, pour Jérémy, là, qui nous écoute et qui apprécie toutes les bonnes choses que tu dis sur lui. Je sais pas s'il écoute encore. Puisqu'il t'en a envoyé combien, en fait, Jérémy? C'est la dernière, celle-ci. Ah. Pourquoi les boîtes aux lettres à Prague sont à 2 mètres de hauteur? Oh là là. À Prague. Mais tu peux pas parler correctement, on comprend rien. Parce qu'on n'a pas, oui, refais. C'est pas ce qu'il dit. Il y a une faute, là. Non, mais là, moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Pourquoi les boîtes aux lettres à Prague sont à 2 mètres de haut sur les poteaux? Oui. À cause des chèques? Parce que les chèques postent haut. Parce que les chèques postent haut. Parce que les chèques postent haut. Oh non, mais c'est pas possible. Au revoir, madame. Les chèques postent haut. Ça veut dire quelque chose, les chèques postent haut? Les chèques postent haut. Ah ben voilà. Voilà pourquoi tu dis pas ça. Oh là là, là, là, c'est bien la peine d'avoir une moustache. Ça veut rien dire. Bon, juste après cette courte pause. Oui, on se casse parce que non, moi, j'en peux plus, Boris. Pas du tout. Il y a Miss BM qui nous a préparé un deuxième petit extrait. Oui, ah, oui, alors, oui, restez avec nous. On revient avec Miss BM. Ouais. Retour, on va se marrer avec Miss BM. Si on s'emmerde, on s'embrasse pas. Non, on s'embrassera, pardon. Bah, c'est effectivement, nous deux, si on s'emmerde, on s'embrasse pas. C'est clair. Mais là, par contre, au spectacle de Miss BM, si on s'emmerde, on s'embrassera. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bisous à la fin parce que tout le monde se marre bien. La preuve, hein, la preuve, avec ce nouvel extrait du spectacle en direct avec nous, Miss BM. Ouais. Alors, j'ai un petit message personnel à passer. Oui. À mon futur Tristan. Ah. Qui m'écoute en ce moment, qui va venir me voir jouer le jeudi à 20h à la petite loge, me trouve Saint-Georges, ou Pigalle. Ça dépend d'où tu viens. Alors toi qui m'aimes déjà, hein, je te sens prêt. Pas d'interdit avec toi, non? Plus d'interdit. No way, l'interdit. Everybody is free. Bon, non, moi, attends, si t'es pas free, t'as rien compris. Ah ouais, tout est permis avec moi. Ah non, non, mais attention, j'ai un principe. Hein. Je ne touche pas aux hommes fidèles. Ah. Non. Non ! Je me tape que des hommes mariés. And so what ? Moi, le mariage, ça m'excite. Hein. J'ai failli me marier 17 fois. Ah oui. Ah, quand même. Et encore, je compte pas les packs. Hein. Les aventures non contractuelles, les visites chez le psy. Enfin bon, le problème, il vient pas de moi. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit message personnel à passer à tous les Tristans du monde entier. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui viens me voir jeudi jouer à 20h à la petite loge, dis, tu veux pas m'épouser? Je t'emmène à Bali. Ah non, mais je sens qu'avec toi, on va parler jusqu'à 5h du matin. 2 mois. Oh, puis c'est pas grave, si on s'emmerde, on s'embrassera. Alors qu'avec Bob, c'est si on s'embrasse, on s'emmerde. La suite du spectacle, c'est tous les jeudis à 20h à la Petite Loge, dans le 9e arrondissement. C'est aux 2 rue La Bruyère. C'est le métro Pigalle ou Saint-Georges. Maurice, c'est tout. C'est une encyclopédie. C'est incroyable. Alors moi, j'ai une autre petite épreuve à te proposer. C'est la main passe. Ah. J'essaye de vous faire trouver, et là, cette fois-ci, j'essaie de vous faire trouver un lieu. Ah. Un lieu connu. Un lieu. Un lieu. Oui. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. Il y a 10 secondes à votre équipe, puis 10 secondes, si vous ne trouvez pas, la main passe à l'autre équipe, puis etc., etc. Et c'est la première équipe qui trouve le lieu en question qui marque le point. Oui. Voilà. Non, tout va très bien. D'accord. Donc, on va commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe des Afflefous. D'accord. Non, des Afflefous, les Afflefous. Oh, quel nom de merde. Tu y arriveras. Tu t'es pas fait un ami, là. Oh. Ah non, mais moi, je vais t'appeler toutes les semaines pour que ce soit toi qui nomme les équipes. Bob, est-ce que tu es prêt? Si peu. Oui. Alors. Je suis près de toi, oui. C'est très vrai. Bien. Voici les 10 premières secondes d'information. Près de toi, mon vieux. Top. Je dois mon histoire à une simple baraque en planches de bois du jardin du Luxembourg, au bout de la rue de Fleurus, où se produisait dans les années 1810 un clown prestidigitateur italien. C'est à nous ? Oui. C'est pas Guignol ? Ah non, c'est Lyon, ça. Ah bon. Et alors vous me dites, Bob ? Mais on peut le dire quand même. Hein. Guignol ? Non. La main passe. Top. Un clown prestidigitateur italien. Mais c'est en 1873 que je suis construite. Successivement guinguette, café-concert, je deviens musicole au lendemain de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue de Fleurus ? Au jardin du Luxembourg, il y a une salle de spectacle. Non, j'ai dit que je dois mon histoire, j'ai pas dit que j'étais là. Hein. Ah oui, pardon. Musicole, guinguette, Luxembourg... qu'est-ce que ça peut être par... Là, vous pouvez vous consulter. Oui, oui, on se consulte, ouais. T'as une idée ou pas ? Ça, c'est une salle de spectacle, visiblement. Oui, oui, oui. Oui. Excuse-moi. Non, non, mais ils sont en train de... Qu'est-ce que ça peut être ? Bon, faut qu'on discute. Voilà, t'as un nom au hasard. Elles savent pas, Bobino, ces allez, idiotes. Bobino, allez, Bobino, au hasard. Alors, au hasard, Bobino, et c'est Bobino. Ah je suis trop forte. Il y a quand même de la triche. Ça se voit, non, ils ont dit au hasard. Oui, bah oui, là, le hasard fait bien attends, les choses. Bah, je cherchais. Bobino, toi, t'arrêtes. Parce que. Un truc qui ressemble à Guignol, tu penses à Bobino. Mais non, mais des musicals rive gauche, il n'y en a pas des masses. Parce que quand je vous parle du clown prestidigitateur italien qui c'est jouait, Bobino. Il s'appelait Bobino. J'ai pas dit son nom. Il s'appelait Bobino. Évidemment. Alors, j'aurais dû vous dire après qu'elle elle a vu triompher notamment Barbara le 15 septembre 65, qui est à l'origine de ses grands succès. Oui, puis ils ont fait faillite. Après. Voilà, la salle en 83 connaît un passage à vide, ça devient une boîte de nuit, Bobino, oui, entre 87 et 91. Puis, c'est rouvert en 91 par Bouvard. Oui, c'est racheté par Philippe Bouvard. Voilà, sous le nom de Studio Bobino. Oui. Et puis après, Gérard Louvin. Ah oui, ça a bien marché son truc. Qui, en 2007, a fait un dîner, des soirées dîner-spectacle. Ah oui, il a rebaptisé la salle, Bobino, vous appelez. Ça a bien marché. Voilà. Et puis, depuis 2009... C'est Jean-Marc Dumonté, le producteur de Nicolas Canteloup, entre autres, qui a repris cette salle et qui donc qui organise des spectacles et des événements médiatiques. Et Maurice, t'avais été voir quoi comme chanteur ? Les compagnons de la chanson. Oh, ça nous rajeunit. Ah oui, c'était avant-guerre. Alors, les derniers spectacles que t'as été voir, que fais-nous profiter un petit peu, bien ou pas bien d'ailleurs, on peut dire du mal. N'engueule pas. Alors, bon, ou du bien. Je le fais exprès, mais alors je suis allé voir Y'a comme un X à la petite loge le samedi à 20h. Oui. Ah oui, David Sauvage nous en avait parlé. Voilà. Oui. C'est très bien. David et Chaud Brûlant aussi, c'est des chansons humoristiques. Et on les recevra bientôt. Alors, dans quelques instants, là, c'est une épreuve catastrophique de l'émission, chère Miss BM. C'est l'épreuve de la photo mystère. Ah non. Car malgré. Car oui. Malgré l'anonymat. Eh bien, nous avons un jeu de la photo mystère pour les auditeurs. Les auditeurs attendent ce jeu, puisque c'est un jeu réalisé par Maurice. On va expliquer la règle du jeu, bien sûr, dans quelques instants. Le temps que Maurice se prépare, on lance le jingle, un peu de pub ou de musique, et on revient juste après avec la photo mystère. Est-ce que Maurice, tu es prêt ? Oh, je suis toujours prêt à dire des conneries, oui. Miss BM prend de Doliprane. Retour avec Miss BM juste après la pause. Ouais. Retour, on va se marrer avec Miss BM. Alors, Miss BM, chaque semaine, nous confions à Maurice, ici présent, une photo mystère sur laquelle... Eh bien, représenter quelque chose que Maurice c'est mieux. doit essayer de vous faire découvrir en vous donnant des informations. 10 secondes d'informations par équipe. 10 secondes, oui. Il n'a bien sûr pas le droit de prononcer le nom de la photo mystère dans sa description, ni un mot interdit qui, d'après nous, vous permettrait de trouver la réponse très rapidement. Donc, on lui a mis un mot interdit. Donc, il faut trouver et la photo mystère, ce qu'il y a dessus, et le mot interdit. Il y a un point à chaque fois. Donc, on va commencer. Maurice commence généralement par son équipe. Non, parce que... il commence par les autres pour une fois. Ça va. Ah, ben on peut, il peut. Si c'est votre demande, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Maurice va commencer par vous, l'équipe d'une fille, une peste. C'est pareil, hein. En vous donnant. Alors, c'est pour nous. Alors, là, c'est pareil pour éviter, parce qu'on a eu plusieurs fois des plaintes. Des plaintes, parce que Maurice mettait du temps à démarrer et le chrono tournait. Donc, maintenant, c'est Maurice qui déclenche le chrono. Ouais. Sinon, il dit rien pendant 10 secondes. Stop! Ça a différentes dimensions, ça sert à la communication, on peut le trouver en noir et blanc et en couleur. Ah oui ? Ah non, ne ris pas Bob. Attendez. Alors, on peut le trouver en noir et blanc. Oui. Et en couleur. En rouge. Alors, ça sert à la communication, moi, je dirais, un téléphone. Ouais, plusieurs dimensions. Un téléphone portable, par exemple. Non, mais c'est trop facile. Ah. Oui, mais de toute façon, on trouve rarement aux 10 premières secondes. Ah. Bah oui, c'est pour ça qu'il nous fait commencer par nous, alors qu'il est avec nous. Ça peut être une sonnette aussi. Ça sert à la communication? Ah bah oui. Ah, ah, oui. Je suis là. T'as une drôle de moyen de communiquer. Oui, oui. Oui, mais c'est des descriptions de Maurice. Ouais, ça peut être une carte postale. Alors... Ah si, non, j'ai rien dit. Moi, moi je, laisse toujours, priorité à l'invité. Moi. Alors, une carte postale. Non. Tu m'étonnes. Alors, 10 secondes d'information capitale pour ton, équipe. C'est un mot-clé capital? Non, pas du tout. Stop. Ah. Ouais, c'est marrant, quand c'est à ton équipe, tu trouves plus de... Voilà. Merci Maurice. Je crois que tu vas être tout seul. Tu fais exprès, c'est pas possible. Je crois que Bob... GG vient de se lever. Oui, je crois que tu vas être tout seul sur ce coup-là. GG vient de partir. GG est parti. Énervé. Non. Ah, parce que tu l'as refait là. Oui. On triche alors. Non, mais ça va. Il t'a rien dit. Non, parce qu'il a avalé de travers, en fait, il avait un glaire. Ah, il a. Oh. Stop. Bon, comme je dis, c'est pour la communication. Ça donne l'idée de l'événement qu'on pourrait avoir. Le GG qui marmonne derrière. J'ai quand même une idée. Ah hey, tu vois Miss BM qu'on peut faire rire à la radio avec une photo quand même. Bon. Attendez, écoutez quand même. Bob, j'ai une idée. Ah. Un téléviseur. Non. Ah merde. C'est en noir et blanc. Ça peut être en couleur. Ah oui. Il y en a plus beaucoup des en noir et blanc. Ah mais ça existe. Ah oui. Non, c'est vrai que c'était. Et ça sert à la communication. Ah oui. Oui. Ouais. Alors, non, mais il y en a le, problème, c'est qu'il a dit ça peut être en noir et blanc. Voilà. Non, mais c'est de différentes dimensions. Oui. Non, mais on ne sait pas si c'est en noir et blanc ou en noir et blanc. Et blanc. Non, oui, c'est ça. Ou en couleur. Alors, on n'entend rien. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est GG qui est derrière. Oui, oui. Alors, Maurice, vas-y. Pour une fois. Stop. Ah. C'est distribué sur la voie publique. Ah. Pas dans différents endroits pour indiquer un événement. Ah. Ah. Alors là, ben voilà, donc c'est un flyer. C'est un flyer. Une photo d'un flyer ou un flyer? Un flyer. Eh oui. C'est mon flyer. Voilà. Trop bon. Alors, oh oui, alors là, bravo. Hein. Alors là, bravo. Hein. Alors attends. Donc un point de marqué. Maintenant, il nous faut le mot interdit. Comment ça, faut qu'on trouve le mot interdit. Ouais. Oui. Moi, je dirais que ça peut être spectacle, le mot interdit. Ou si on s'emmerde. Non, un mot. Ouais, un mot. Ouais. Un mot. Moi, je dirais, moi, je dirais spectacle ou affiche, un des deux. Bah oui, mais c'est marqué où que c'est le mot interdit? Ah, parce que c'est lui sur son papier. Sur son papier. Ah, là-bas. C'est écrit. Parce qu'il a bien, à chaque fois, il a bien fait attention à dire événement, événement, ah, oui, événement c'est et vrai. Pas spectacle. Hein. Bon, allez, spectacle. Non. Ah. Tiens, je le savais. C'est pub? Non. Je sais pas. C'était quoi? Prospectus. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah non, parce que tu arrives à prononcer des mots de trois syllabes, toi, maintenant. Eh ben, attendez, quand même. C'est pour ça qu'il s'est un mot-mystère. Ça a été trouvé en moins de 5 minutes. Hein, c'est bien, oui. Quand même, c'est un événement, parce que quelquefois, on y met pratiquement la soirée pour le trouver. Et pourquoi tu nous dis que c'est en noir et blanc et en couleur? Parce que des fois, des flyers, il y en a en noir et blanc. Voilà. Pourquoi tu nous dis pas tout de suite? Tout blanc. C'est en papier. Bah oui, non, mais ça aide. Mais il fait trouver comme il veut. Ah bah attends, et la preuve, c'est que ça a été trouvé, Bob. Il va m'engueuler parce qu'il n'a pas trouvé maintenant. Eh bien, bravo, le point est marqué pour l'équipe d'une fille, une peste. Ouais. Oh. Alors, regarde comment il est énervé. Là. Il est énervé, le Bob. Il m'énerve. Alors, moi, j'aurais bien voulu, puisqu'on a pour une fois une fille dans l'émission, que Maurice fasse en duo avec notre invitée Miss BM... un de ses sketchs favoris, et là, il a besoin d'une participante, puisque c'est le fameux sketch du sex shop. Voilà, du sex shop. Nous avons donc, pendant la pause tout à l'heure, informé un petit peu Miss BM de ce qu'il attendait. Donc maintenant, elle connaît l'histoire. Voilà. Voici le fabuleux sketch du sex shop. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais savoir, il y a des cabines d'essayage ici ou pas? Ça dépend ce que vous voulez essayer, madame. Bah, justement, là, j'hésite. Il y a tellement de choix. C'est un peu difficile, quoi. On a différentes cabines pour visionner, pour essayer, pour tout. D'accord, très bien. Alors, bon, j'en voudrais un pas trop gros, mais quand même assez. Et qu'est-ce que vous voulez? Un gonne-miché? Eh bah oui. Ah oui, de quelle taille? Justement, j'hésite. Et la couleur, surtout. Mais ça aussi, il faudrait vous me conseiller. Ça dépend. Vous voyez, on a tout un échantillon sur les étagères, là. Alors, du plus petit au plus gros, du moyen, du court, de couleur bleue, rouge, vert, ce que vous voulez. Bah écoutez, je sais pas. Et le gros rouge là-bas sur l'étagère? Ah mais là, madame, le gros rouge là, vous pouvez pas l'avoir parce que c'est les sphincters. Bravo! Oh bravo. Merci de m'avoir fait passer pour une conne. Oh t'inquiète pas. Celui-là, il a pas raté quand même. On peut applaudir une deuxième fois. Oui, bravo. Ah, oui, allez, allez. Miss BM, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, avoir l'air plus conne que lui. Bah si, si, venez me voir à la petite loge le jeudi. Alors juste après cette courte pause, tu vas voir qu'on a encore une dernière épreuve dans l'émission. Ah. C'est le moment fatidique où Frédéric nous le sort. Ah oui, toutes les semaines je le sors à la, à la fin de l'émission, ça le défoule. Donc il faut rester avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Enfin, les auditeurs le savent, mais toi tu vas le découvrir. On revient avec Miss BM après cette courte pause. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Miss BM. Alors, il y a un truc quand même qui nous turlupine depuis le début de la soirée. Oui, et qui turlupine aussi. La racine, c'est turlute. Non, c'est turlupin, Bob. Ah, pardon. Turlupin sur le chihuahua. C'était quoi la chanson? Ah, bah c'est... Tu la connais, toi, celle-là? C'est Pierre Perret, non? Non, c'était pas Carlos. Bon, alors, oui, qui nous turlupine quand même et qui turlupine les auditeurs. C'est la signification de BM. Ah. Et oui, parce que depuis le début, on dit Miss BM, Miss BM, mais ils se disent, mais c'est quoi? C'est rapport à la voiture? C'est un peu comme on veut, en fait, c'est pour ça. Ah, c'est la part de mystère. Ouais. C'est chacun fait comme il veut, c'est ça? Oui, on s'en souvient. Tétravelotte. Et on sait de quoi parler. Tétravelotte et tu t'es pas fait opérer? Oh. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport avec BM? Bien monté. Ah, oh là là. Ça, c'est pour les gens les plus basiques. Et un de plus. Bon, enfin, ton spectacle, c'est sur le cul quand même. C'est les spectateurs qui restent sur le cul. Voilà. Bon, alors si on veut savoir, si on veut connaître la signification, la seule solution, en fait, c'est de venir te voir à la petite loge. Bah, je crois bien. À Paris. Et c'est tous les jeudis à 20h. Merci, Maurice. Rue La Bruyère, oui. Dans le 9e arrondissement. Ah. À Paris, 9e, oui. C'est métro Saint-Georges ou Pigalle. Bravo. Voilà. À Paris. Et un numéro de téléphone, parce que vous pouvez réserver par téléphone, c'est 06 99 49 42 82. Très bien. Alors, en fin de l'émission, donc, Frédéric Coster, chaque semaine, nous le sort. Eh oui, je vous sors mon petit quiz. Mais fais-toi qu'il n'attrape pas froid. Alors, 8 chanteurs à découvrir, chanteurs ou chanteuses d'ailleurs. Il y a un thème, comme chaque semaine. Ah. Maurice, comment s'appelle notre invité? Miss BM. Eh bien, le quiz sera donc autour du mot Miss. Ah. Soit on l'entend dans l'extrait, soit le... Enfin, vous verrez. C'est un rapport avec le mot Miss. Et il faut trouver le nom de la chanteur ou du chanteur. De la chanteur ou du chanteuse. Voilà, comme vous voulez. Le premier extrait... C'est le jingle. Ah, merci. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Miss Guéguerre, t'as beau faire, du plat avec ton ratablat. Miss Guéguerre, nique ton guerre, j'm'appelle Robinson, sacré nom de nom. C'est pas facile, hein? Non, alors là, l'air là, c'est vraiment pas facile. Hein. Ah, je suis content, je vous ai un petit peu piégé, tiens. Alors, Miss BM, t'en as trouvé combien? Alors, il faut le nom de la chanson. Du chanteur, enfin. Du chanteur? Soit du chanteur, oui, du chanteur. Soit le titre. Oui. C'est, non, c'est le. Oui, alors, non, le nom de l'interprète, c'est le nom de l'interprète qu'il faut. Ah mince, alors, bah, j'ai le premier, Renaud. T'en as qu'un seul? Alors, j'ai peut-être un Doshin, j'hésite. Ah, oui. Donc, t'en as au moins deux. Donc, t'en as au moins deux. Non, non, mais attends, il faut juste nous dire pour combien t'en as pour l'instant. Mais oui, mais je ne sais pas si je les ai. Bah, en fait. Tu nous dis combien t'en as trouvé? Combien tu penses en avoir trouvé? Moi, j'en ai trouvé trois et le nom d'une chanson. Ah, alors, Maurice, combien? Trois. Combien pour GG? Moi, deux. Deux pour GG. Cinq. Hop. Ah, alors là, j'y crois pas. Là, alors là, je n'y crois pas une seconde. Hein. Là, j'en ai cinq quand même. Et puis, c'est tout. Il a noté cinq noms. Philippe? Moi, j'en ai quatre. Sûr? Oui. Quatre sûrs? Sûr. Pas d'autres pas sûrs? Si, j'en ai des pas sûrs. Ah, bah, il faut nous dire les pas sûrs aussi. Non, j'en ai quatre. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, comme Maurice. Ah, bah, comme Maurice. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Je suis décomposé. Ah ben, on la décompose, alors. Donc, le premier extrait, c'était toujours le jingle. Oui. Ah, donc, oui. Priorité à l'invité, bien sûr. Ah, oui. Car aucune femme sur la planète. Bah, Renaud. Voilà. C'était Renaud. La chanson s'appelle Miss Maggie. Ah, oui, c'est vrai. Bon, celui-là, tout le monde l'a trouvé. Oui, ben, en général, je mets le plus facile en premier. Miss Guéguer. Alors là, c'est plus la génération de Bob. Hein. Oui. Philippe Chevalier. Ah, mais là, peut-être, parce que je l'ai mis après. Évrard ? Pas du tout. C'était Ouvrard, déjà, pour commencer. C'est Ouvrard. Et là, c'était Léo Ferré. Oh là là, bah, il est inconnaissable. Hein. Alors là, tu ne reconnais pas qui chante ? C'est pas Eva Joly. Ah non, alors c'est pas lui, alors merde. Toi t'as mis qui, toi? J'avais mis Philippe Catherine. Hé, hey, c'était un piège. T'as trouvé? BM? Non. Oui, comment il s'appelle? J'arrive plus à me rappeler de son nom à celui-là. Aucune aussi. Idée, moi. Helmut Fritz. Helmut? Oui. Il chante encore? C'est pas Helmut Kohl. Helmut Fritz. C'est un Belge? Alors, ah, ça c'est un de tes copains, Philippe. Miss BM, c'est, non? C'est Rick Astley? Un ancien joueur de hockey. Ah, machin, là, le Canadien. Rock Voisy. On reconnaît pas sa voix. Miss Caprice. Ah oui. On reconnaît pas Nouvelle tournée de Rock Voisy l'année prochaine en France. Bon, la Indochine. Indochine. Ah oui, moi j'ai mis les Forbans. Non. Les Forbans. Ah, la chanson s'appelle Miss Paramount. Ah, moi j'aime bien. Ah, Edith Piaf. Edith Piaf, bien sûr. Ah, moi j'ai mis Colette Renard. Voilà. Adaptation française d'une chanson de Cole Porter, Miss Otis Regrets. Maurice n'en a plus après. Ça me dit quelque chose. Oh là, l'accent. Ah, oui, c'est pas Charlebois. Robert Charlebois. Bah, tu vois, je l'avais pas reconnu au début. Mais là, ouais. On reconnaît l'accent québécois l'accent quand québécois, même. Ouais. Ah oui. Et là bon, bah, It's Winning Man, mais je c'est, bon, c'est voilà. Dionne. Quel rapport avec Miss On connaît la chanson, mais c'est pareil. C'est Philippe. C'est pas Miss Dominique. Mais c'est Miss Dominique. La finaliste de la Nouvelle Star qui a perdu face à Christophe Willem. Ah oui, c'est une reprise. Bah oui, mais il y a tellement de reprises en même temps. Ouais. Bah oui, c'est bon, ça. On peut applaudir notre invité. Ah oui, j'ai pas la télé. Alors là, moi je dis qu'une chose. Bravo à l'invité. Vraiment, elle a très très bien joué. Vraiment très bien. Oui. Comment? Hein? Et dites donc. Oui. Et mes acclamations à moi. Ah, j'ai droit à rien, moi. Viens t'applaudir. Ah oui, j'ai oublié les acclamations de Don Saluste. Ah. Viva Don Saluste. Viva Don Saluste. Ouh, à mort. Pour une fois, il y a l'accompagnement musical. Oh, ça y est. Bon. Eh bien, après toutes ces épreuves, je crois qu'il est temps de faire les totos. Ah, on s'en fout. Et Gégé, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est que ton équipe, l'équipe des affleux fous, sadique, a marqué ce soir 6 points. Oh, c'est bien, et mérite largement les applaudissements de l'ensemble du public. Donc, Feignasse, applaudis. C'est pas grâce à toi, hein. Regarde le légume. Et l'équipe des Une fille, une peste, oui, cher combien Bob, combien vous écrase ah. avec 12 points, ah, le ah, double ah, de vos points. Alors moi, je pense qu'en fait, on va quand même surtout pouvoir refaire, continuer à faire la promo de notre invité, Maurice. Alors, si vous voulez voir Miss BM dans son spectacle « Si on s'emmerde, on s'embrassera », c'est tous les jeudis à 20h. C'est quel jour ? Le jeudi à 20h. À la petite loge, 2 rue La Bruyère. Où ça, comment tu dis ? Aux 2 rue La Bruyère. Non, mais le nom du théâtre, c'est ? La petite loge. C'est bien. Ça y est, dans le 9e arrondissement, et c'est au métro Pigalle et Saint-Georges. Bon, alors vous avez compris, il a renversé. Et voilà, Maurice a renversé son verre. Donc. Enfin, un jour, il va falloir qu'on mette une webcam oui, quand oui, même. Je pense, oui. Ah, oui, oui. Bon, eh bien, Miss BM, j'espère que tu as passé une bonne soirée avec très nous. Très bonne, merci. Nous, on te remercie d'être venu. On a effectivement pu avoir des petits extraits du spectacle qui ont bien donné envie de venir te voir. Très, avec très bien. Ça, voilà. Très, très bien. Et donc, il y a d'autres extraits sur Internet, sur ta page Facebook. Voilà, il y a des teasers, des petites vidéos. Page Facebook, deux pages, hein, soit celle de Miss BM, soit celle du spectacle. Si on s'emmerde, on s'embrassera. Facile. Et puis on te retrouvera aussi sur la page Facebook de l'émission puisqu'il y aura la photo tout à l'heure. On mettra la photo sur la page Facebook. Merci. Merci Miss BM. Ouais. Bravo. Surtout, vous n'oubliez pas que l'émission sera sur iTunes dès demain. Donc connectez-vous sur iTunes si vous voulez le podcast. Les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Et je vous le répète, la page Facebook pour retrouver la photo de l'émission, tous les podcasts et puis les infos de nos invités qu'on vous met en ligne, bien sûr, sur la page Facebook. Merci de votre patience. À la semaine prochaine.